monsieur le directeur de la bande des gens est sur les dents. On a perdu un président. On est pourtant sûr qu'il est entré le 1er mai 1980. C'était un PDG bien enchâssé dans un cube de glace cristallisé. C'était ses ouvriers, si contents de leur PDG, qui s'étaient cotisés pour l'offrir dans 50 années à leurs héritiers d'ouvriers. Monsieur le directeur de la Banque des gens est sur les dents. Le métier n'est pas facile. Encore quand il y a 100 ans, on avait des banques du sang, des banques des yeux et des banques des dents. On devait pouvoir s'arranger. Mais maintenant, avec tous ces gens qui sont hibernés, on ne peut remplacer un PDG par un ouvrier. Monsieur le directeur de la Banque des gens est sur les dents. Il a perdu un président. Et c'est pourquoi il a visité les divers blocs réfrigérés, dont chacun forme un quartier spécialisé. Il y a les athlètes, médaillés aux Jeux Olympiques, que l'on ressort tous les 4 ans pour amortir les millions dépensés par l'État. Et puis il y a les ministres. On garde en permanence tout un gouvernement d'urgence pour contrer l'opposition et mettre ainsi la France à l'abri de l'instabilité. Monsieur le directeur de la Banque des gens est sur les dents. Un client qui attend qu'on lui livre un président. C'est un petit garçon de 10 ans qui tient le ticket que lui a remis sa mère pour récupérer son grand-père. Il est triste, le petit enfant. Il comptait bien sur ce grand-père pour lui raconter des histoires de son temps, des histoires de guerre et de train, ce qu'était un hélicoptère et comment on était enfant quand on s'asseyait sur les bancs de l'école, seulement jusqu'à 14 ans.